gamins, c'est son prison. Pour mon futur, en phase ado, ils sont les vifs, c'est qu'elles font, je parle pas de torture. Avec l'enfance, pas de mal à faire la rupture. Pas de pas de folle aventure. 11 ans, je rêvais d'être dans l'Euro 2. Donnie Brasco, Raspo 2. Millions, il passe mignon. On s'en papa ou sa maman. Sur les dégâts, les coups, part avec les potes d'enfants du quartier dans les VK. Avec mon association de malfaiteurs, on faisait ravage. Le sentiment de peur n'existait pas. Et ouais, c'était le bonheur. À cette époque, après le carnage, la trouvais belle. Ma devise était elle pour elle, mon point d'endettement. À ce moment, je n'avais peur de rien. Un gosse inconscient, insouciant. J'étais un guerrier. Ça m'a valu des. C'est ma tombe récidivie. Je nageais la brasse, faisais les vrilles dans le vice. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. C'était le bon vieux temps. Vieux temps. Avec la complicité de la cité d'à côté, c'est le début des opérations coup de pute. L'amitié se fragilise, perd ses repères. En haut de la butte, c'est glisser une balance. Les choses corsent lorsque chacun atteint la connivence. S'installe un sentiment de méfiance, c'est la merde. Plus aucun contrôle de la situation. Dénonciation sur dénonciation, les perquisitions de la police multiplient à vitesse grand V. Les esprits fragiles s'affolent, réagissent plus vite qu'un TGV. Les coups de couteau prirent le dessus au détriment des poignées de main sincères. Car on se resserre, les souvenirs d'enfance n'ont plus raison d'être. Je me rappelle ce matin du 12 février il y a 7 ans. Lorsque la police débarque chez moi à mon tour à 7h du matin. On m'embarquait, me note au poignet. Mes parents jusqu'à présent restent indignés. On parle de braquage vol avec violence, droit d'un prohibé. Dans ma tête résonne encore ce refrain. Excusez-moi monsieur, mais je ne sais pas de quoi vous voulez me parler. Les années sont passées et de tout ça je ne regrette toujours rien.